Dans chaque coin oubli du serveur reste insoumis qu'on n'a pas osé toucher. Et parfois c'est là que je retourne, pas pour louter. Pleurer une boîte vide, un sac jeté, mais je reconnais le nom dessus, un ancien frère tombé sans bruit, et je me demande si quelqu'un s'en souvient encore. Who remembers what we lost? Riders kill. He bears the cost. Who walks through ash and frost? Riders kill. Still holds the post. J'ai vu leurs bases tomber une à une, pas sous les roquettes, mais sous l'oubli. Et je me dis que parfois c'est plus cruel que le feu, parce que ça laisse rien à haïr. Who weeps where none can see? Writer's guilt keeps memory. Who stands for what used to be? Writer's guilt. Alone yet free. Il venait tous les soirs. Autrefois, on parlait, on riait, on mourait ensemble. Maintenant je pose un slip, juste moi et l'écho d'un jeudi vient plus jamais. Mais je les oublie pas, jamais. Je rejoue leurs pas, je protège leur route, je défends leur mémoire comme un sanctuaire, même si ça veut dire rester seul. Who builds where all has died? Writer's guilt. With heart and pride. Who sings the hopes denied? Writer's guilt. He never hides. Je me tiens là sous la pluie, devant un feu que j'ai pas allumé, mais que je laisse brûler pour eux, parce que tant qu'il y a une étincelle, ils vivent encore.